Deuxième partie, livre deuxième, suite. J'étais déterminé à quitter cette carrière des affaires où des malheurs personnels étaient venus se mêler à la médiocrité du travail et à d'infimes tracasseries politiques. On n'a pas su ce que c'est que la désolation du cœur quand on n'est point demeuré seul à errer dans les lieux naguère habités d'une personne qui avait agréé votre vie. On la cherche et on ne la trouve plus. Elle vous parle, vous sourit, vous accompagne. Tout ce qu'elle a porté ou touché reproduit son image. Il n'y a entre elle et vous qu'un rideau transparent, mais si lourd que vous ne pouvez le lever. Le souvenir du premier ami qui vous a laissé sur la route est cruel, car si vos jours se sont prolongés, vous avez nécessairement fait d'autres pertes. Ces morts qui se sont suivies se rattachent à la première, et vous pleurez à la fois dans une seule personne toutes celles que vous avez successivement perdues. Tandis que je prenais des arrangements prolongés par l'éloignement de la France, je restais abandonné sur les ruines de Rome. À ma première promenade, les aspects me semblaient changés. Je ne reconnaissais ni les arbres, ni les monuments, ni le ciel. Je m'égarais au milieu des campagnes, le long des cascades, des aqueducs, comme autrefois sous les berceaux des bois du Nouveau Monde. Je rentrais dans la ville éternelle, qui joignait actuellement à tant d'existences passées une vie éteinte de plus. À force de parcourir les solitudes du Tibre, elles se gravèrent si bien dans ma mémoire que je les reproduisis assez correctement dans ma lettre à M. de Fontane. « Si l'étranger est malheureux, disais-je, s'il a mêlé les cendres qu'il aima à tant de cendres illustres, avec quel charme ne passera-t-il pas du tombeau de Cecilia Metellia au cercueil d'une femme infortunée ?» C'est aussi à Rome que je conçus pour la première fois l'idée d'écrire les mémoires de ma vie. J'en trouve quelques lignes, jetées au hasard, dans lesquelles je déchiffre ce peu de mots. Après avoir erré sur la terre, passé les plus belles années de ma jeunesse loin de mon pays, et souffert à peu près tout ce qu'un homme peut souffrir, la faim même, je revins à Paris en 1800. Dans une lettre à M. Joubert, j'esquissais ainsi mon plan. Mon seul bonheur est d'attraper quelques heures, pendant lesquelles je m'occupe d'un ouvrage qui peut seul apporter de l'adoucissement à mes peines. Ce sont les mémoires de ma vie. Rome y entrera. Ce n'est que comme cela que je puis désormais parler de Rome. Soyez tranquille, ce ne seront point des confessions pénibles pour mes amis. Si je puis quelque chose dans l'avenir, mes amis y auront un nom aussi beau que respectable. Je n'entretiendrai pas non plus la postérité du détail de mes faiblesses. Je ne dirai de moi que ce qui est convenable à ma dignité d'homme, et, j'ose le dire, à l'élévation de mon cœur. Il ne faut présenter au monde que ce qui est beau. Ce n'est pas mentir à Dieu que de ne découvrir de sa vie que ce qui peut porter nos pareils à des sentiments nobles et généreux. Ce n'est pas qu'au fond j'ai rien à cacher. Je n'ai ni fait chasser une servante pour un ruban volé, ni abandonné mon ami mourant dans une rue, ni déshonoré la femme qui m'a recueilli, ni mis mes bâtards aux enfants trouvés. Mais j'ai eu mes faiblesses, mes abattements de cœur. Un gémissement sur moi suffira pour faire comprendre au monde ces misères communes, faites pour être laissées derrière le voile. Que gagnerait la société à la reproduction de ces plaies que l'on retrouve partout? On ne manque pas d'exemples quand on veut triompher de la pauvre nature humaine. Dans ce plan que je me traçais, j'oubliais ma famille, mon enfance, ma jeunesse, mes voyages et mon exil. Ce sont pourtant les récits où je me suis plu davantage. J'avais été comme un heureux esclave, accoutumé à mettre sa liberté au cep. Il ne sait plus que faire de son loisir quand ses entraves sont brisées. Lorsque je me voulais livrer au travail, une figure venait se placer devant moi, et je ne pouvais plus en détacher mes yeux. La religion seule me fixait par sa gravité et par les réflexions d'un ordre supérieur qu'elle me suggérait. Cependant, en m'occupant de la pensée d'écrire mes mémoires, je sentis le prix que les grands attachaient à la valeur de leur nom. Il y a peut-être une réalité touchante dans cette perpétuité des souvenirs qu'on peut laisser en passant. Peut-être, parmi les grands hommes de l'Antiquité, cette idée d'une vie immortelle chez la race humaine leur tenait-elle lieu de cette immortalité de l'âme demeurée pour eux un problème. Si la renommée est peu de chose, quand elle ne se rapporte qu'à nous, il faut convenir néanmoins que c'est un beau privilège, attaché à l'amitié du génie, de donner une existence impérissable à tout ce qu'il a aimé. J'entrepris un commentaire de quelques livres de la Bible, en commençant par la Genèse. Sur ce verset, « Voici qu'Adam est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal, donc maintenant il ne faut pas qu'il porte la main au fruit de vie, qu'il le prenne, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Je remarquai l'ironie formidable du Créateur. « Voici qu'Adam est devenu semblable à l'un de nous, etc. Il ne faut pas que l'homme porte la main au fruit de vie. Pourquoi ? Parce qu'il a goûté au fruit de la science et qu'il connaît le bien et le mal. Il est maintenant accablé de maux. Donc, il ne faut pas qu'il vive éternellement. Quelle bonté de Dieu que la mort !» Il y a des prières commencées, les unes pour les inquiétudes de l'âme, les autres pour se fortifier contre la prospérité des méchants. Je cherchais à ramener à un centre de repos mes pensées errantes hors de moi. Comme Dieu ne voulait pas finir là ma vie, la réservant à de longues épreuves, les orages qui s'étaient soulevés se calmèrent. Tout à coup, le cardinal ambassadeur changea de manière à mon égard. J'eus une explication avec lui et déclarai ma résolution de me retirer. Il s'y opposa, il prétendit que ma démission dans ce moment aurait l'air d'une disgrâce, que je réjouirais mes ennemis, que le premier consul prendrait de l'humeur, ce qui m'empêcherait d'être tranquille dans les lieux où je voulais me retirer. Il me proposa d'aller passer 15 jours ou un mois à Naples. Dans ce moment même, la Russie me faisait sonder pour savoir si j'accepterais la place de gouverneur d'un grand-duc. Ce serait tout au plus si j'aurais voulu faire à Henri V le sacrifice des dernières années de ma vie. Tandis que je flottais entre 1000 parties, je reçus la nouvelle que le premier consul m'avait nommé ministre dans le Valais. Il s'était d'abord emporté sur des dénonciations, mais revenant à sa raison, il comprit que j'étais de cette race qui n'est bonne que sur un premier plan, qu'il ne fallait me mêler à personne, ou bien que l'on ne tirerait jamais parti de moi. Il n'y avait point de place vacante, il en créa une, et la choisissant conforme à mon instinct de solitude et d'indépendance, il me plaça dans les Alpes. Il me donna une république catholique avec un monde de torrents. Le Rhône et nos soldats se croiseraient à mes pieds, l'un descendant vers la France, les autres remontant vers l'Italie, le Simplon ouvrant devant moi son audacieux chemin. Le consul devait m'accorder autant de congés que j'en désirais pour voyager en Italie, et Madame Biacciocchi me faisait mander par Fontane que la première grande ambassade disponible m'était réservée. J'obtins donc cette première victoire diplomatique sans m'y attendre et sans le vouloir. Il est vrai qu'à la tête de l'État se trouvait une haute intelligence qui ne voulait pas abandonner à des intrigues de bureau une autre intelligence qu'elle sentait trop disposée à se séparer du pouvoir. Cette remarque est d'autant plus vraie que le cardinal Fesch, à qui je rends dans ses mémoires une justice sur laquelle peut-être il ne comptait pas, avait envoyé 2 dépêches malveillantes à Paris, presque au moment même que ses manières étaient devenues plus obligeantes après la mort de Madame de Beaumont. Sa véritable pensée était-elle dans ses conversions lorsqu'il me permettait d'aller à Naples ou dans ses missives diplomatiques ? Conversations et missives sont de la même date et contradictoires. Il n'eût tenu qu'à moi de mettre M. le cardinal d'accord avec lui-même en faisant disparaître les traces des rapports qui me concernaient. Il m'eût suffi de retirer des cartons, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, les élucubrations de l'ambassadeur. Je n'aurais fait que ce qu'a fait M. de Talleyrand au sujet de sa correspondance avec l'empereur. Je n'ai pas cru avoir le droit d'user de ma puissance à mon profit. Si par hasard on recherchait ces documents, on les trouverait à leur place. Que cette manière d'agir soit une duperie, je le veux bien. Mais ne pas me faire le mérite d'une vertu que je n'ai pas, il faut qu'on sache que ce respect des correspondances de mes détracteurs tient plus à mon mépris qu'à ma générosité. J'ai vu aussi dans les archives de l'ambassade, à Berlin, des lettres offensantes de M. le marquis de Bonnet, à mon égard. Loin de me ménager, je les ferai connaître. M. le cardinal Fesch ne gardait pas plus de retenue avec le pauvre abbé Guillon, l'évêque du Maroc. Il était signalé comme un agent de la Russie. Bonaparte traitait M. l'aîné d'agent de l'Angleterre. C'était là de ces commérages dont ce grand homme avait pris la méchante habitude dans les rapports de police. Mais n'y avait-il rien à dire contre M. Fesch lui-même ? Le cardinal de Clermont-Tonnerre était à Rome, comme moi, en 1803. Que n'écrivait-il point de l'oncle de Napoléon ? J'ai les lettres. Au reste, à qui ces contentions, ensevelies depuis 40 ans dans des liasses vermoulues, importent-elles? Des divers acteurs de cette époque, un seul restera, Bonaparte. Nous tous qui prétendons vivre, nous sommes déjà morts. Lit-on le nom de l'insecte à la faible lueur qu'il traîne quelquefois après lui en rampant? Monsieur le cardinal Fesch m'a retrouvé depuis ambassadeur auprès de Léon XII. Il m'a donné des preuves d'estime. De mon côté, j'ai tenu à le prévenir et à l'honorer. Il est d'ailleurs naturel que l'on m'ait jugé avec une sévérité que je ne m'épargne pas. Tout cela est archi-passé. Je ne veux pas même reconnaître l'écriture de ceux qui, en 1803, ont servi de secrétaires officiels ou officieux à monsieur le cardinal Fesch. Je partis pour Naples. Là commença une année sans madame de Beaumont, année d'absence que tant d'autres devaient suivre. Je n'ai point revu Naples depuis cette époque, bien qu'en 1828 je fusse à la porte de cette même ville où je me promettais d'aller avec madame de Chateaubriand. Les orangers étaient couverts de leurs fruits et les myrtes de leurs fleurs. Bailly, les Champs-Élysées et la mer étaient des enchantements que je ne pouvais plus dire à personne. J'ai peint la baie de Naples dans Les Martyrs. Note. Les Martyrs, livre 5. Fin de note. Je montai au Vésuve et descendis dans son cratère. Note. Je propose à mon guide de descendre dans le cratère. Il fait quelques difficultés pour obtenir un peu plus d'argent. Nous convenons d'une somme qu'il veut avoir sur le champ. Je la lui donne, il dépouille son habit, nous marchons quelque temps sur les bords de l'abîme pour trouver une ligne moins perpendiculaire et plus facile à descendre. Le guide s'arrête et m'avertit de me préparer. Nous allons nous précipiter. Nous voilà au fond du gouffre. Voyage en Italie, au chapitre sur le Vésuve, 5 janvier 1804. Fin de note. Je me pillais, je jouais une scène de René. Note. Un jour, j'étais monté au sommet de l'Etna, je vis le soleil se lever dans l'immensité de l'horizon, au-dessous de moi, la Sicile resserrée comme un poing à mes pieds, et la mer déroulée au loin dans les espaces. Dans cette vue perpendiculaire du tableau, les fleuves ne me semblaient plus que des lignes géographiques tracées sur une carte, mais tandis que d'un côté mon œil apercevait ces objets, de l'autre il plongeait dans le cratère de l'Etna, dont je découvrais les entrailles brûlantes entre les bouffées d'une noire vapeur. René. Fin de note. À Pompéi, on me montra un squelette enchaîné et des mots latins estropiés, barbouillés par des soldats sur des murs. Je revins à Rome. Canova m'accorda l'entrée de son atelier, tandis qu'il travaillait à une statue de nymphe. Ailleurs, les modèles des marbres du tombeau que j'avais commandés étaient déjà d'une grande expression. J'allai prier sur des cendres à Saint-Louis et je partis pour Paris le 21 janvier 1804, autre jour de malheur. Voici une prodigieuse misère. 35 ans se sont écoulés depuis la date de ces événements. Mon chagrin ne se flattait-il pas en ces jours lointains que le lien qui venait de se rompre serait mon dernier lien? Et pourtant que j'ai vite non pas oublié, mais remplacé ce qui me fut cher. Ainsi va l'homme de défaillance en défaillance. Lorsqu'il est jeune et qu'il mène devant lui sa vie, une ombre d'excuses lui reste. Mais lorsqu'il s'y attelle et qu'il la traîne péniblement derrière lui, comment l'excuser? L'indigence de notre nature est si profonde que dans nos infirmités volages, pour exprimer nos affections récentes, nous ne pouvons employer que des mots déjà usés par nous dans nos anciens attachements. Il est cependant des paroles qui ne devraient servir qu'une fois. On les profane en les répétant. Nos amitiés trahies et délaissées nous reprochent les nouvelles sociétés où nous sommes engagés. Nos heures s'accusent. Notre vie est une perpétuelle rougeur parce qu'elle est une faute continuelle. Mon dessein n'étant pas de rester à Paris, je descendis à l'hôtel de France rue de Beaune où madame de Chateaubriand vint me rejoindre pour se rendre avec moi dans le Valais. Mon ancienne société, déjà à demi dispersée, avait perdu le lien qui la réunissait. Bonaparte marchait à l'Empire. Son génie s'élevait à mesure que grandissaient les événements. Il pouvait, comme la poudre, en se dilatant, emporter le monde. Déjà immense, et cependant ne se sentant pas au sommet, ses forces le tourmentaient. Il tâtonnait, il semblait chercher son chemin. Quand j'arrivais à Paris, il en était à Pichegru et à Moreau. Par une mesquine envie, il avait consenti à les admettre pour rivaux. Moreau, Pichegru et Georges Cadoudal, qui leur étaient fort supérieurs, furent arrêtés. Ce train vulgaire de conspiration que l'on rencontre dans toutes les affaires de la vie n'avait rien de ma nature, et j'étais aise de m'enfuir aux montagnes. Le conseil de la ville de Sion m'écrivit. La naïveté de cette dépêche en a fait pour moi un document. J'entrais dans la politique par la religion. Le génie du christianisme m'en avait ouvert les portes. République du Valais, Sion, 20 février 1804. Le conseil de la ville de Sion. À M. Chateaubriand, secrétaire de légation de la République française à Rome. Monsieur, par une lettre officielle de notre grand bailli, nous avons appris votre nomination à la place de ministre de France près de notre République. Nous nous empressons à vous en témoigner la joie la plus complète que ce choix nous donne. Nous voyons dans cette nomination un précieux gage de la bienveillance du premier consul envers notre République, et nous nous félicitons de l'honneur de vous posséder dans nos murs. Nous en tirons les plus heureux augures pour les avantages de notre patrie et de notre ville. Pour vous donner un témoignage de ces sentiments, nous avons délibéré de vous faire préparer un logement provisoire digne de vous recevoir, garni de meubles et d'effets convenables pour votre usage, autant que la localité et nos circonstances le permettent, en attendant que vous ayez pu prendre vous-même des arrangements à votre convenance. Veuillez, monsieur, agréer cette offre comme une preuve de nos dispositions sincères à honorer le gouvernement français dans son envoyé, dont le choix doit plaire particulièrement à un peuple religieux. Nous vous prions de vouloir bien nous prévenir de votre arrivée dans cette ville. Agréez, monsieur, les assurances de notre respectueuse considération. Le président du conseil de la ville de Sion, de Rietmaten, par le conseil de la ville, le secrétaire du conseil, de Torrente. Deux jours avant le 21 mars, je m'habillais pour aller prendre congé de Bonaparte aux Tuileries. Je ne l'avais pas revu depuis le moment où il m'avait parlé chez Lucien. La galerie où il recevait était pleine, il était accompagné de Murat et d'un premier aide-de-camp. Il passait presque sans s'arrêter. À mesure qu'il approcha de moi, je fus frappé de l'altération de son visage. Ses joues étaient dévalées et livides, ses yeux âpres, son teint pâli et brouillé. Son air sombre et terrible. L'attrait qui m'avait précédemment poussé vers lui cessa. Au lieu de rester sur son passage, je fis un mouvement afin de l'éviter. Il me jeta un regard comme pour chercher à me reconnaître, dirigea quelques pas vers moi, puis se détourna et s'éloigna. Lui étais-je apparu comme un avertissement ? Son aide-de-camp me remarqua. Quand la foule me couvrait, cet aide-de-camp essayait de m'entrevoir entre les personnages placés devant moi et rentraînait le consul de mon côté. Ce jeu continua près d'un quart d'heure, moi toujours me retirant, Napoléon me suivant toujours sans s'en douter. Je n'ai jamais pu m'expliquer ce qui avait frappé l'aide-de-camp. Me prenait-il pour un homme suspect qu'il n'avait jamais vu ? Voulait-il, s'il savait qui j'étais, forcer Bonaparte à s'entretenir avec moi ? Quoi qu'il en soit, Napoléon passa dans un autre salon. Satisfait d'avoir rempli ma tâche en me présentant aux Tuileries, je me retirai. À la joie que j'ai toujours éprouvée en sortant d'un château, il est évident que je n'étais pas fait pour y entrer. Retourné à l'hôtel de France, je dis à plusieurs de mes amis, il faut qu'il y ait quelque chose d'étrange que nous ne savons pas, car Bonaparte ne peut être changé à ce point, à moins d'être malade. M. Bourrienne assume ma singulière prévision. Il a seulement confondu les dates. Voici sa phrase. En revenant de chez le premier consul, M. de Chateaubriand déclara à ses amis qu'il avait remarqué chez le premier consul une grande altération et quelque chose de sinistre dans le regard. Oui, je le remarquais. Une intelligence supérieure n'enfante pas le mal sans douleur parce que ce n'est pas son fruit naturel et qu'elle ne devait pas le porter. Le surlendemain, 21 mars, je me levai de bonne heure pour un souvenir qui m'était triste et cher. Monsieur de Montmorin avait fait bâtir un hôtel, au coin de la rue Plumet, sur le boulevard Neuf des Invalides. Dans le jardin de cet hôtel, vendu pendant la Révolution, Madame de Beaumont, presque enfant, avait planté un cyprès, et elle s'était plu quelquefois me le montrer en passant. C'était à ce cyprès, dont je savais seul l'origine et l'histoire, que j'allais faire mes adieux. Il existe encore, mais il languit et s'élève à peine à la hauteur de la croisée sous laquelle une main qui s'est retirée aimait à le cultiver. Je distingue ce pauvre arbre entre trois ou quatre autres de son espèce. Il semble me connaître et se réjouir quand j'approche. Des souffles mélancoliques inclinent un peu vers moi sa tête jaunie, et il murmure à la fenêtre de la chambre abandonnée, intelligences mystérieuses entre nous qui cesseront quand l'un ou l'autre sera tombé. Mon pieux tribut payé, je descendis le boulevard et l'esplanade des Invalides. Je traversai le pont Louis XVI et le jardin des Tuileries, d'où je sortis près du pavillon Marsan, à la grille qui s'ouvre aujourd'hui sur la rue de Rivoli. Là, entre 11 heures et midi, j'entendis un homme et une femme qui criaient une nouvelle officielle. Des passants s'arrêtaient subitement pétrifiés par ces mots. Jugement de la commission militaire spéciale convoquée à Vincennes, qui condamne à la peine de mort le nommé Louis-Antoine Henri de Bourbon, né le 2 août 1772 à Chantilly. Ce cri tomba sur moi comme la foudre. Il changea ma vie, de même qu'il changea celle de Napoléon. Je rentrai chez moi, je dis à Madame de Chateaubriand, le duc d'Enghien vient d'être fusillé. Je m'assis devant une table et je me mis à écrire ma démission. Note. Voici le texte de la lettre de démission de Chateaubriand. Citoyen ministre, les médecins viennent de me déclarer que Madame de Chateaubriand est dans un état de santé qui fait craindre pour sa vie. Ne pouvant absolument quitter ma femme dans une pareille circonstance, ni l'exposer au danger d'un voyage, je supplie Votre Excellence de trouver bon que je lui remette les lettres de créance et les instructions qu'elle m'avait adressées pour le valet. Je me confie encore à son extrême bienveillance pour faire agréer au premier consul les motifs douloureux qui m'empêchent de me charger aujourd'hui de la mission dont il avait bien voulu m'honorer. Comme j'ignore si ma position exige quelque autre démarche, j'ose espérer de votre indulgence ordinaire, citoyen ministre, des ordres et des conseils. Je les recevrai avec la reconnaissance que je ne cesserai d'avoir pour vos bontés passées. J'ai l'honneur de vous saluer respectueusement, Chateaubriand, Paris, rue de Beaune, Hôtel de France, 1er Germinal, an 12, 22 mars 1804. Fin de note. Madame de Chateaubriand ne s'y opposa point et me vit écrire avec un grand courage. Elle ne se dissimulait pas mes dangers. On faisait le procès au général Moreau et à Georges Cadoudal. Note. Moreau avait été arrêté le 15 février, Pichegru le 28 et Georges Cadoudal le 9 mars 1804. Fin de note. Le lion avait goûté le sang. Ce n'était pas le moment de l'irriter. M. Clausel de Cousergue arriva sur ces entrefaites. Il avait aussi entendu crier l'arrêt. Il me trouva la plume à la main. Ma lettre, dont il me fit supprimer par pitié pour Madame de Chateaubriand des phrases de colère, partit. Elle était au ministre des Relations extérieures. Peu importait la rédaction. Mon opinion et mon crime étaient dans le fait de ma démission. Bonaparte ne s'y trompa pas. Madame Biaciocchi jeta les hauts cris en apprenant ce qu'elle appelait ma défection. Elle m'envoya chercher et me fit les plus vifs reproches. Monsieur de Fontaine devint presque fou de peur au premier moment. Il me réputait fusillé avec toutes les personnes qui m'étaient attachées. Pendant plusieurs jours, mes amis restèrent dans la crainte de me voir enlevé par la police. Ils se présentaient chez moi d'heure en heure et toujours en frémissant quand ils abordaient la loge du portier. Monsieur Pasquier vint m'embrasser le lendemain de ma démission, disant qu'on était heureux d'avoir un ami tel que moi. Il demeura un temps assez considérable dans une honorable modération, éloigné des places et du pouvoir. Néanmoins, ce mouvement de sympathie, qui nous emporte à la louange d'une action généreuse, s'arrêta. J'avais accepté, en considération de la religion, une place hors de France, place que m'avait conférée un génie puissant, vainqueur de l'anarchie, un chef sorti du principe populaire, le consul d'une république, et non un roi continuateur d'une monarchie usurpée. Alors j'étais isolé dans mon sentiment, parce que j'étais conséquent dans ma conduite. Je me retirais quand les conditions auxquelles je pouvais souscrire s'altérèrent. Mais aussitôt que le héros se fut changé en meurtrier, on se précipita dans ses antichambres. 6 mois après le 21 mars, on eût pu croire qu'il n'y avait plus qu'une opinion dans la haute société, sauf de méchants quolibets que l'on se permettait à huis clos. Les personnes tombées prétendaient avoir été forcées, et l'on ne forçait, disait-on, que ceux qui avaient un grand nom ou une grande importance. Et chacun, pour prouver son importance ou ses quartiers, obtenait d'être forcé à force de sollicitation. Note. Avant la mort du duc d'Enghien, la bonne société de Paris était presque toute en guerre ouverte avec Bonaparte. Mais aussitôt que le héros se fut changé en assassin, les royalistes se précipitèrent dans ses antichambres, et quelques mois après, le 21 mars, on aurait pu croire qu'il n'y avait qu'une opinion en France, sans les quolibets que l'on se permettait encore à huis clos, dans quelques salons du faubourg Saint-Germain. Au surplus, la vanité causa encore plus de défection que la peur. Les personnes tombées prétendaient avoir été forcées, et l'on ne forçait, disait-on, que celles qui avaient un grand nom ou une grande importance. Et chacun, pour prouver son importance et ses quartiers, obtenait d'être forcé à force de sollicitations. Souvenir de Madame de Chateaubriand. Fin de note. Ceux qui m'avaient le plus applaudi s'éloignèrent. Ma présence leur était un reproche. Les gens prudents trouvent de l'imprudence dans ceux qui cèdent à l'honneur. Il y a des temps où l'élévation de l'âme est une véritable infirmité. Personne ne la comprend. Elle passe pour une espèce de borne d'esprit, pour un préjugé, une habitude inintelligente d'éducation, une lubie, un travers qui vous empêche de juger les choses. Imbécillité honorable peut-être, dit-on, mais ilotisme stupide. Quelle capacité peut-on trouver à n'y voir goutte, à rester étranger à la marche du siècle, au mouvement des idées, à la transformation des mœurs, au progrès de la société? N'est-ce pas une méprise déplorable que d'attacher aux événements une importance qu'ils n'ont pas? Barricadés dans vos étroits principes, l'esprit aussi court que le jugement, vous êtes comme un homme logé sur le derrière d'une maison, n'ayant vu que sur une petite cour, ne se doutant ni de ce qui se passe dans la rue, ni du bruit qu'on entend au dehors. Voilà où vous réduit un peu d'indépendance, objet de pitié que vous êtes pour la médiocrité. Quant aux grands esprits, à l'orgueil affectueux et aux yeux sublimes, aux culos sublimes, leur dédain miséricordieux vous pardonne parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas entendre. Je me renfonçais donc humblement dans ma carrière littéraire, pauvre pindare destiné à chanter dans ma première olympique l'excellence de l'eau, laissant le vin aux heureux. L'amitié rendit le cœur à M. de Fontane. Madame Biaciocchi plaça sa bienveillance entre la colère de son frère et ma résolution. M. de Talleyrand, indifférence ou calcul, garda ma démission plusieurs jours avant d'en parler. Quand il l'annonça à Bonaparte, celui-ci avait eu le temps de réfléchir. En recevant de ma part la seule et directe marque de blâme d'un honnête homme qui ne craignait pas de le braver, il ne prononça que ces deux mots. C'est bon. Plus tard, il dit à sa sœur, « Vous avez eu bien peur pour votre ami. » Longtemps après, en causant avec M. de Fontane, il lui avoua que ma démission était une des choses qui l'avait le plus frappé. Note. La chose, cependant, se passa le plus tranquillement du monde, et lorsque M. de Talleyrand crut enfin pouvoir remettre la démission à Bonaparte, celui-ci se contenta de dire « C'est bon ». Mais il en garda une rancune, dont nous nous sommes ressentis depuis. Il dit plus tard à sa sœur, « Vous avez eu bien peur pour votre ami. » Il n'en fut plus question. Longtemps après, cependant, il en reparla à Fontane et lui avoua que c'était une des choses qui lui avait fait le plus de peine. Souvenir de Madame de Chateaubriand. Fin de note. Monsieur de Talleyrand me fit écrire une lettre de bureau dans laquelle il me reprochait gracieusement d'avoir privé son département de mes talents et de mes services. Je rendis les frais d'établissement et tout fut fini en apparence. Mais en osant quitter Bonaparte, je m'étais placé à son niveau, et il était animé contre moi de toute sa forfaiture, comme je l'étais contre lui de toute ma loyauté. Jusqu'à sa chute, il a tenu le glaive suspendu sur ma tête. Il revenait quelquefois à moi par un penchant naturel et cherchait à me noyer dans ses fatales prospérités. Quelquefois, j'inclinais vers lui par l'admiration qu'il m'inspirait, par l'idée que j'assistais à une transformation sociale, non à un simple changement de dynastie. Mais, antipathique, sous beaucoup de rapports, nos deux natures reparaissaient, et s'il m'eût fait fusiller volontiers, en le tuant, je n'aurais pas senti beaucoup de peine. La mort fait ou défait un grand homme. Elle l'arrête au pas qu'il allait descendre ou au degré qu'il allait monter. C'est une destinée accomplie ou manquée. Dans le premier cas, on en est à l'examen de ce qu'elle a été. Dans le second, aux conjectures de ce qu'elle aurait pu devenir. Si j'avais rempli un devoir dans des vues lointaines d'ambition, je me serais trompé. Charles X n'a appris qu'à Prague ce que j'avais fait en 1804. Il revenait de la monarchie. « Chateaubriand, me dit-il au château de Hatchrin, vous aviez servi Bonaparte ?»« Oui, sire. » »« Vous avez donné votre démission à la mort de M. le duc d'Enghien ?»« Oui, sire. » »« Le malheur instruit ou rend la mémoire. Je vous ai raconté qu'un jour, à Londres, réfugié avec M. de Fontane, dans une allée pendant une averse, M. le duc de Bourbon se vint cacher sous le même abri. En France, son vaillant père et lui, qui remerciaient si poliment quiconque écrivait l'oraison funèbre de M. le duc d'Enghien, ne m'ont pas adressé un souvenir. Ils ignoraient sans doute aussi ma conduite. Il est vrai que je ne leur en avais jamais parlé. Fin du livre 2 de la deuxième partie des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand.